Alors, le mot pour mais se dit que che. Hein, comme la queue de cheval de l'institutrice aux cheveux noirs. Ça se dit que le veil rouge de la victoire, che, le doigt noir pointé vers le sol. Donc, comment diriez-vous mais? Que che. Que che. Alors, comment diriez-vous nous sommes tous chinois, mais lui est français. Nous. Wǒmen. Tous. Dǒ. Sommes. Shì. Empire du milieu ou Chine. Zhōngguó. Personne. Rén. Mais. Kǒu shì. Lui ou il. Tā. Est. Shì. France. Fǎ guǒ. Personne. Rén. Et comment avez-vous dit mais? Kǒu shì. C'est kǒu shì. Avec un E et pas un O. Pardon. Que shì. Oui, c'est ça. Comme une queue de cheval. Wǒmen dǒu shì zhōngguórén. Ke shì tā shì fǎguórén. Alors, comment dire elle est française? Et rappelez-vous qu'en chinois, les mots ne changent pas au féminin. Et donc, française se dira comme français. Alors, dites d'abord elle. Ta. Est. Shi. France. Fa. Guo. Personne. Ren. Ta. Shi. Fa. Guo. Ren. Et maintenant, dites-moi, il est anglais, mais je suis française. Alors d'abord, il. Ta. Est. Shì. Angleterre. Ying. Guo. Personne. Ren. Mais. Ke. Shì. Je. Wǒ. Suis. Shì. France. Fa. Guo. Personne. Ren. Ta. Shì. Ying. Guo. Ren. Ke. Shì. Wǒ. Shì. Fa. Guo. Ren. Alors maintenant, comment direz-vous? Lui et moi sommes tous deux anglais, mais elle est française. Alors, lui ou il? Ta. Et? Re. Moi ou je? Oh. Tous deux. To. Sommes. Shi. Angleterre. Ying. Guo. Personne. Ren. Mais. Kǒu shì. Elle. Ta. Est. Shì. France. Fa. Guo. Personne. Ren. Comment avez-vous dit mais? Kǒu shì. Attention, c'est que shì avec un E. Essayez encore une fois. Comment dit-on mais? Que shì. C'est ça. Que shì. Et la phrase entière est ta he wo dou shi ying guo ren. Ke shì ta shì fa guo ren.